On comprenait que tant que ce clairon suprême se tairait, le sépulcre, obscur roi dit béant, garderait l'attitude horrible du néant, que la momie aurait toujours sa bandelette, que l'homme irait tombant du cadavre au squelette. Mais qu'à l'heure où soudain, dans l'espace sans rive, cette trompette vaste et sombre sonnerait, on verrait, comme un tas d'oiseaux d'une forêt, toutes les âmes, cygnes, aigles, éperviers, colombes, frémissantes, sortir du tremblement des tombes, et tous les spectres faire un bruit de grandes eaux et se dresser, et prendre à la hâte leurs eaux, tandis qu'au fond du gouffre, au fond du rêve, blanchissant l'absolu, comme un jour qui se lève, le front mystérieux du juge apparaîtrait.